changeras. Tu changeras sa vie, toi qui fais des chansons. Comme celui qui construit des routes et des maisons. Tu soigneras son cœur plus savant que savant. Et toi qui vends du vent, tu vendras le bonheur. Musicien, tu fais chanter le monde. Chanter le monde.